Je crois que j'ai passé, je viendrai shooter tout en Kenzo. Joue une féfé, Portofino, Spider Enzo. Imitation milieu de catin, short du bendo. Je crois que j'ai percé, je viendrai shooter tout en Kenzo. 600 chevaux, je fais ski, tout le monde sauf les impôts. La queue c'est long, je connais le patron de ton patron. Je peux me permettre, merci Rolex, merci Kenzo. Je fais les boutiques, la vie d'artiste commence très tôt. T'es tenace, je suis tenace, tu menaces, tu ne menaces pas, je t'éteins. En vrai calme, mais c'est marrant, sans bouger de chez moi, t'es à plat ventre. Maximum on est 4, on est pas 40. On cueille pas les fleurs, mais on les arrose. Ma cendre rien dans le fait, fais pas le carrosse. Je crois que j'ai percé, je viendrai shooter tout en Kenzo. Joue une féfé, Portofino, Spider Enzo. Imitation milieu de catin, short du bendo. Je crois que j'ai percé, je viendrai shooter tout en Kenzo. 600 chevaux, je vais skier tout le monde sauf les impôts. La queue c'est long, je connais le patron de ton patron. Je peux me permettre, merci Rolex, merci Kenzo. Je fais les boutiques, la vie d'artiste commence très tôt. À 16 ans j'étais disque d'or, 17 ans j'étais disque d'or, 18 ans nouveau disque d'or, 19 ans je me reposais genre. J'ai jamais sonné à côté de vos portes, je pars en tournée, je peux sortir mes potes. J'ai tout ce que je veux, je paye aucune escorte. Quel putain de vie quand tu sors du bloc. Je crois que j'ai percé, je viendrai shooter tout en Kenzo. Joue une féfé, Portofino, Spider Enzo. Imitation milieu de catin, short du bendo. Je crois que j'ai percé, je viendrai shooter tout en Kenzo. 600 chevaux, je vais skier tout le monde sauf les impôts. La queue c'est long, je connais le patron